vent, seul dans nos profondeurs, regardant et rêvant. Cent fois dans la vallée obscure, avec ses mots que dit l'esprit à la nature, questionnez tout bas vos rameaux palpitants et le même regard pour suivre en même temps. Que je suis calme et pur comme vous, comme au ciel vos parfums, mon culte à Dieu s'élance, et je suis plein d'oubli, comme le vous de silence. J'ai chassé loin de moi toute pensée amère, et mon cœur est encore tel que le fit ma mère. À la fois dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Faut rester dans votre ombre et dans votre mystère, c'est sous votre branchage auguste et solitaire que je veux abriter mon sépulcre ignoré, et que je veux dormir quand je m'endormirai.